e alocarem aqui os seus investimentos. E é também a forma de dizermos àqueles que já cá estão, aos investidores nacionais, aos investidores estrangeiros que já têm operações em Portugal, que há todas as razões para aqui continuarem e multiplicarem o seu investimento. E é isso que vai permitir pagar melhores salários, é isso que vai permitir também salvaguardar o Estado Social. A Concienne, 96.2. La FM en couleur. Yanni, Florence Luce, Ismaili, Tony, let's go! Demain, quand j'ai à soi, c'est bataille. C'est bel moment. Quand tu peux que ça partie longtemps. Mais moi, je sais encore que ma vie passe tant. Parce que moi, je m'aime. Ou moi, je m'aime comme ça. Ça va se caresser comme ça. Ça va se caresser comme ça. Et pour moi, je m'aime pas pas voyer tout. Voyer tout, voyer tout, voyer tout, voyer tout. Radio Arc-en-Ciel 96.2 sur Orléans, ravi de vous retrouver en ce jeudi 8 janvier. J'en profite tout de suite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Je compte sur votre fidélité, mais ça j'en suis sûre que vous allez nous suivre sur le 96.2 comme chaque jeudi soir entre 18h et 20h pour le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Tout de suite justement, tiens, un petit souvenir à ça. Ça a caracolé en tête de tous les hit parades durant cette année 2024 et 2025. Je vous propose ce petit retour en arrière avec, écoutez ça. Pour tous les fans, quatre campés. Allez, un clin d'œil à la bande, la fifi, tiens. On prend tout comme ça, y'a pas de cachis, pas de semblant, full baby dans 4 matins. 18h, 20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Hey baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'ai poussé, money, baby. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, with me, baby, c'est tout droit. La garde des plaques, disons alléluia. Da, da, da. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, with me, baby, c'est tout droit. La garde des plaques, disons alléluia. Da, da, da. Baby, je l'étale, vini. Da, da, da. Vini, vini, batte, vini. Da, da, da. Rêve à l'embord, vini. Da, da, da. J'ai une sous ça. Campé, da, da, da. Ramène les familles. Sous sa campée, dans la dent, j'étais vengeant des rêves. cannabis a plus les comptes. Remercie Dieu parce qu'on a la santé. Je monte pas, baby, sinon y'aura trop de débats. Allez, trop tard. Depuis le compte de Rose, il n'y a trop tard. Elle m'a dit je t'aime, mais c'est trop tard. Bitch m'a dit je t'aime, mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Yo, Judas. Précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout. La carte est blague, disons alléluia. La la la, yo, Judas. Précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout. La carte est blague, disons alléluia. La la la, baby, je l'ai tendu. La la la, baby, n'y pas tu. La la la, baby, all I'm walking. La la la, j'ai une sous sa campée dans la. Sa yon tè chaje, tout moun a mande kote te ye la, li soti nan siel la, ta vle konne pou ki sa, li tan tout an sa, pa bliye sa an nou danse kounya. All eyes on you. Yeah. Conscienne en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Très beau duo quand même hein, sur le 96.2 dans votre émission Groupe Tropical, Morane et Fanny J avec ce titre Trop Loin. Moi j'adore, hein, c'est une nouveauté, mais ça fait du bien ce genre de petites choses. Allez, on continue comme ça. Cette fois-ci, tiens, je vous propose un petit peu de compas. On va remonter le temps tout de suite avec le groupe Casino et c'est le titre Yotos Amis en live. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical. Ça pour faire bonheur, chaque fois, mais non, on fait noir. Moi, pas jamais perdu l'espoir. Parce que qu'on est, oh oui, mais qu'on est, qui est là toujours là pour moi. Est-ce que vraiment vous comptez? Si il a tout temps, donc on peut faire ça. Ou même que j'y chante, what's it again? Yo, vos amis, qui la vous supplie, la vie m'est trahie. Yo, vos amis, qui compte tout ça que parfait. C'est que tout le monde lui confère. Mais toujours vient dire, mais moi entendez la guerre. Pour les bagues et histoire cachée, toujours avouer la vérité. Parce qu'elle me connaît sans pas me juger. Toujours dit ça livre. Si nous chaque vie nous, il y a notre monde qui a pris en premier. Et puis c'est pour lui, baguette. Mais il a tout le temps, beaucoup de bêtes. Car il dit chaque fois, ma fille, il y a un bon ami. Qu'il a pour soutenir, et la Bible est trahie. Il y a un bon ami. Qui compte tout ça, tu gères. La paix de Dieu, c'est que c'est. Il y a un bon ami. Qui m'a mis à cette vie. Chaque fois, c'est vous qui me suivez. Il y a un bon ami. Je dis à ma fille, merci. Parce qu'elle est là. Nos amis sont familles que choisir pour la vie. c'est toujours qui Arc-en-ciel 96.2, votre émission Groove Tropical, le meilleur du zouk et du compas, c'est chaque jeudi entre 18h et 20h. Aïe, aïe, aïe, ça fait du bien, hein, ce genre de choses. Allez, tiens, un petit peu de zouk avec... c'est une petite nouveauté, le groupe s'appelle Transit, écoutez ça. C'est un pas du bon. Sur le 96.2, j'ai oublié de vous dire quand même que c'est un groupe qui a été créé il y a 4 ans déjà. Et en tout cas, il est composé de Steve Pierre-Louis, alias Stevie, et puis notamment Bruno Perazzi, qu'on connaît bien quand même sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bon, ça fait du bien, hein. 18h, 20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. On va continuer avec une autre nouveauté. Bon, c'était pas une nouveauté finalement, ça c'était... Ouais. Je sais pas, ça date de 2 ans, je crois. Bon, allez, tout de suite, c'est Carbetti. Ça, je suis sûre que c'est une nouveauté parce que je l'ai reçu cette semaine. Non. Et c'est Sensualité.

son vi mwen yon moun fi L'espi yon mwen pa karete Tourne, tourne Fene desye pou mwen ami Ou tout ki panse mwen pe fui Men l'espi yon mwen pa karete Tourne, tourne E mwen la ka imagine Ke ou jan eve an do ki mwen E ou kouche an demay Pe ke si mwen te pis detay Si le rezo ka espionne Ki le ki tan ou konekte Si pou an si ou pa kadami Si ou ka sonje mwen cheni Nan li tomba pa ni somme Mwen kon zombi mwen yon mwen fe L'espi yon mwen vle pa rete Tourne, tourne Ferme desye pou mwen dami Tout ki pense mwen pe fui Mais l'espi yon mwen ka kontinye Tourne, tourne Alban foto mwen jayite Gajo ou bel, gajo ou fe A souvan oubliye di oubli Te kapwa l'amou pou aki Tout si mouman ke nou En bas y mwen Que tout le karim monte Yon ke yon mwen C'est la vie triste Quand sous ta piste Fé ben, te absent ça Te absent ça Mais les réunis pour foutre le dernier mort. Mais les réunis pour foutre le dernier mort. c'est yon fait pour vous y lever. Yon dit moi c'est comme ça, oui c'est la vie. Tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel 96.2 tient une petite dédicace du côté d'Orléans-la-Source, hein, je crois. Petite dédicace et un gros bisou à Rosalie. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la petite pub sur Facebook. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Radio Arc-en-Ciel, votre émission groupe tropical entre 18h et 20h. Le meilleur, la musique qui nous vient de la Caraïbe. Et c'est Chantal qui vous accompagne. Raison que fais-moi courir, fais-moi l'ouvrir chez moi. C'est tout en valou. Même si m'en vie liberté déjà. Même la ma belle m'a vie déjà. Personnel, yeah. Et ça passe là. Ah, monsieur Baibon. Mais oui, Clem. Oh, ouais, y a des Elisabeth fâché. Vous qui savez fâché là. Il dit c'est pas où que l'ivlé. Bon, y'a somme d'Elisabeth là, un petit moment. Il dit c'est bad boy, yo, là-dedans. C'est vous bad boy, mon cher, bad boy. Il aime un dreadlocks, yo. Oh, oh. Vous l'y capable de. Ah, mais t'es même calé, ah, mais m'aimé, mes amis. Hey! Est-ce que m'bagé? Ouais. Est-ce que m'chauffé? Ouais. Si nous bagé? On va tirer, tirer, tirer. Nous misé la vague, on tire, gé, gé, gé, gé, gé. On mette un petit hip-hop sous lui. Et même nous, si nous représentons Haïti. On va tirer, tirer, tirer. Nous misé la vague, on tire, chagon. Nadam, gé, gé, nadam, bobo, nadam, gé, gé. Se bon pas na maté, meyo, meyo, me MVP ya, mas vale por player, jouer, c'est qu'on va t'en faire. Gardez qui j'en garde tout le monde comme ça. C'est comme si n'a pas joué à chaque vendredi. Papa, c'est qu'on travaille dans la factory. Mon nom de l'autre, c'est qu'on traite. Musique, New York City, New York City. On va tirer, tirer, tirer. Nous mettons la vague, on tire, gare, gare, gare. Vous mettez un petit hip-hop sous lui. Lève-moi nous si vous représentez Haïti. Combattre, tirer, tirer. Vous mettez la vague, on tire, jargon. On va gagner, on va gagner, on va gagner. Meilleur, meilleur, meilleur. Most valuable player. C'est ma basketball qu'on va jouer. C'est qu'on va n'amater. Yeah. C'est. Yeah. C'est. Soirée, 96.2. La FM en couleur. Sur Arc-en-Ciel 96.2 à Orléans avec le groupe, non c'est pas un groupe, le titre, Trahison. Là, je perds la mémoire, là, ce coup, je le savais il y a 2 minutes. Non, c'est-à-dire que je suis très occupée, ça doit être ça quelque part ailleurs. Bien, en tout cas, sur le 96.2, la musique continue, c'était Zilé et le titre Trahison, et tout de suite c'est Orlan avec In Love. Et c'est une nouveauté sur le 96.2. Même le respect, c'est te respecter. va dans tous les sens. Le tien est en guerre, on n'a aucune chance. Chelem te rencontre, tout bagaté bien calculé. Nous t'es tellement connecté, ça te pousse nous croire dans la destinée. Mais plus temps passé pour nous de, plus nous pas garder l'autre nos yeux. Ça vient faire ma demande, si l'amour nous c'est pour l'éternité. Yeah. passé. On a cherché à s'éviter. Ce qu'on a eu, c'est l'opposé. Plus on se sépare, plus on s'attire. Pas la peine de mentir, ça va mal finir. Et on a expliqué, c'est pas bon. menen, yo j'a di mwen sa, sa, ki tout moun pa men pare, se pa pou sa. De choses qui nous embarquent quand même. Le groupe martiniquais, la belle équipe. Non, c'est la fine équipe. Oh là là. Et en tout cas, cette équipe à soleil, on a besoin en ce moment. Hein. Ça va revenir. En tout cas, on en a tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans votre émission Groupe Tropical. Bon, allez, encore un petit quart d'heure à passer ensemble. Je vous propose tout de suite d'écouter une nouveauté. T-Vice en compagnie de Fatima Yeri. Un bon compas en solo, tout simplement. Se ou tap di man bay bak Nan diske mwen, tap ta nipe pou bay bak Ti dou dou dou, tap ta nipe pou bay bak Si mwen pou ki vle detwi Yo l'amou ki pran tel mwen tan pou bati Pa ve vin bati kem apre pou binti Gaspye tem ni la jen pou go meti Juste en la disparaît chanje. un peu de rame ce soir. Hein. J'étais très heureuse de vous retrouver ce soir. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. Ça fait vraiment très plaisir. Je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, même fréquence, 18h-20h sur le 96.2. Je vous souhaite encore une très bonne année 2026. Je pense qu'à mon avis, elle va être tout aussi ensoleillée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. La FM en couleur. Para as transportar, é preciso técnicos para as operar. Inês Sousa Real, do PAN, diz que se continuar assim, o governo vai.